Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent en nouvelle diffusion Histoire vivante. Cette semaine, d'Auschwitz à Francfort. Un homme en révolte. L'Allemagne est fière d'être la patrie de Goethe et de Beethoven. Toutefois, l'Allemagne est aussi le pays d'Hitler, d'Eichmann et de leurs nombreux acolytes et complices. Im Oberlandesgericht Braunschweig wurde ein Prozess gegen den ehemaligen Generalmajor Rehmer geführt. In alten Zeiten. En des temps plus reculés, les Allemands n'étaient absolument pas prêts à obéir aveuglément à leur souverain. Dans les ouvrages de droit écrits au Moyen-Âge, on peut encore trouver cette phrase fondamentale « En pays allemand, chacun est tenu de résister à son empereur ou à son roi si ce dernier commet des injustices. » Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Je suis traductrice, directrice de collection aux éditions Métayer, traductrice de l'allemand, et entre autres de Christoph Heine et de certains livres de Hertha Müller. Et pour ceux qui souhaiteraient connaître votre nom ? Je m'appelle Nicole Barry. Quel est votre parcours, votre formation ? Je suis germaniste d'origine. Mais j'ai créé et j'ai dirigé une librairie des pays de langue allemande à la fin des années 70 jusqu'au début des années 90, qui s'appelait Le Roi des Aulnes et qui était boulevard Montparnasse à Paris. Et je suis passée de la librairie à la traduction et de la traduction à l'édition. Et donc je dirige cette collection de littérature allemande depuis 25 ans maintenant. Mais ce goût de la littérature allemande, ce goût de l'Allemagne, il est d'origine familiale ? Il n'est pas étranger à ma famille parce que c'était une injonction de mon père qui avait été prisonnier de guerre. Où ça ? En Bavière. En Bavière. Donc moi je suis née tout de suite avant la guerre, avant la déclaration de la guerre. Quand j'ai commencé au lycée, c'était en 49, 4 ans après la fin de la guerre. Et mon père pensait qu'il fallait apprendre l'allemand parce qu'il fallait connaître cette langue qui était une langue de culture et il fallait se réconcilier avec les Allemands. Chez moi, on a parlé très très tôt, enfin on m'a parlé à moi qui était une enfant, très tôt de non seulement du nazisme, mais enfin de tous les crimes et des horreurs avec les mots appropriés aux enfants. Mais mon père insistait sur le fait que c'était une erreur dans le parcours de cette culture et de cette langue et qu'il fallait apprendre la langue classique, enfin la langue de la littérature, et se réconcilier avec les Allemands. Parce qu'il n'y aurait jamais d'Europe si on n'était pas réconcilié avec les Allemands. Mais d'où votre père tenait-il cette ouverture d'esprit ? Chez les Français de sa génération, c'est-à-dire les Français qui sont nés au début du XXe siècle, ou un peu entre le début et la Première Guerre mondiale, si on recherche un peu d'où venaient les parents, les grands-parents, on trouve, alors est-ce qu'il faut dire des métissages, des mélanges, même s'ils sont inter-européens. Donc, il avait un esprit ouvert parce que dans sa famille, il y avait des influences qui venaient d'ailleurs. Son père était venu de Constantinople, comme il disait, d'Istanbul. La famille de sa mère, quelques générations avant, venait du Portugal. Donc, je pense qu'il avait été élevé dans une ouverture d'esprit, comme beaucoup d'hommes et de femmes de sa génération, d'hommes surtout. L'école de la République était d'une part l'école qui formait des petits Français, mais ces petits Français, souvent, ils venaient d'ailleurs. Je crois que c'est quelque chose qu'on a complètement oublié maintenant. Nicole Barry, nous nous rencontrons à Paris, mais vous vous adressez à des auditeurs suisses en ce moment qui vous écoutent et peut-être qui vous découvrent, quoique la place de la littérature allemande, et vous le répétez à l'envi dans certains de vos entretiens, plus aisée, si j'ose dire, en Suisse, qu'elle ne saurait l'être en France. Est-ce que vous pourriez peut-être d'ailleurs nous proposer un petit peu vos mots sur ce paysage-là ? On devine et l'on sait, parce qu'on l'a déjà entendu, notamment les auditeurs d'Histoire vivante par la bouche de Jean-Paul Kahn, témoignant à ce micro des difficultés du passage de la culture allemande dans l'hexagone français, regrettant à l'envi le nombre d'étudiants qui d'année en année semblaient s'amoindrir. Je vous vois lever les yeux au ciel quand je dis ça, et je devine de l'approbation, mais on a envie de vous entendre là-dessus. Oh, oui, oui, c'est vrai. Je trouve que, d'une part, on ne fait pas la part assez belle à l'enseignement de l'allemand dans le parcours secondaire, même primaire, puisque maintenant, il y a une langue vivante dans le primaire. Dans les textes, théoriquement, on peut proposer de l'allemand ou de l'anglais. En réalité, c'est presque toujours uniquement de l'anglais. On a eu du mal, vous avez dû suivre ce débat, à maintenir ces fameuses classes bilingues qui étaient des classes anglais-allemand. Donc, plus on restreint le nombre de jeunes qui apprennent l'allemand, plus on restreint un public jeune qu'on peut intéresser, qu'on pourrait, je dirais, intéresser pendant qu'il est dans son parcours scolaire à cette culture qui est l'Allemagne. Je dis on pourrait parce que il faudrait aussi peut-être revoir la façon dont on apprend, on transmet cette langue et la façon dont on transmet cette culture pour pas lui donner cette image qu'a parfois la culture allemande vue de France d'une grande rigidité et d'un trop grand sérieux. La culture allemande n'est pas que ça. Elle sait être rigide et sérieuse, c'est vrai, mais il y a énormément de côtés et d'aspects qui sont très très visibles en ce moment, que ce soit au niveau de la musique, des arts plastiques, du théâtre, de la littérature aussi, qui offrent un foisonnement créatif très très important. Et ce foisonnement créatif, on n'arrive pas à le faire passer en France. Pour en revenir à la littérature, qui est quand même le domaine que je connais le mieux, les éditeurs français font de gros efforts pour faire connaître cette littérature. Alors je dois dire, j'ai quelques scrupules à vous le dire à vous, mais les médias ne font pas toujours bien ne jouent pas toujours bien leur rôle. C'est-à-dire que quand vous me flattez indirectement, je prends ce compliment avec grand plaisir. Vous avez de la place ici. Quand on publie un nouvel auteur, la semaine où malencontreusement sort la énième édition ou la énième traduction d'un livre de Stefan Zweig, de Hermann Hesse, de Thomas Mann, les grands quotidiens, je n'en citerai aucun, font des pages entières sur ces écrivains qui sont déjà très très connus en France, et le nouvel écrivain a trois lignes quelque part qu'il faut vraiment chercher pour les trouver. C'est pas comme ça qu'on peut inciter le public à une plus grande curiosité. Nicole Barry, vous qui vivez et partagez votre temps entre Paris et Berlin, quand vous évoquez ces phénomènes-là, vos amis allemands, et notamment dans le domaine du livre, dans le domaine des éditeurs, dans le domaine des auteurs, comment regarde-t-il ça? Avec ironie, avec regret, le cocktail est mêlé des deux? Le cocktail est mêlé des deux, mais vous savez, en ce moment, on assiste aussi à un moindre intérêt pour la France en Allemagne. La chaleur des relations franco-allemandes, qui sont peut-être... cette chaleur, elle existe peut-être dans le domaine diplomatique, dans le domaine politique, dans le domaine des hommes et des femmes politiques qui se retrouvent, c'est possible. Mais si on prend la presse allemande, la grande presse allemande, la presse allemande a des suppléments littéraires qui sont excellents. Des suppléments hebdomadaires ou même quotidiens, quelquefois, dans certains grands quotidiens. On trouve peu d'articles sur la littérature française. Très peu. Donc je pense que de ce côté-là, on est à égalité et on a beaucoup de mal à intéresser aussi nos collègues allemands à la littérature française contemporaine. En revanche, les éditeurs allemands font mieux que nous leur travail parce que le fond de la littérature française est très régulièrement retraduit et reproposé aux lecteurs. Les classiques. Les classiques, oui, les classiques. Y compris les classiques de la modernité, enfin les classiques du XXe siècle. En France, on ne le fait pas non plus. C'est-à-dire qu'on a des lacunes quand même assez importantes dans la littérature classique. La littérature du début du XXe siècle, moins, elle est davantage retraduite. Et dans la littérature contemporaine, on traduit beaucoup, mais on a beaucoup de mal à trouver un public pour ces livres, parce que les transmissions se font pas bien, les relais ne se font pas bien. On essaye en ce moment de trouver, d'inaugurer d'autres formules pour aller vraiment dans les bibliothèques davantage, en espérant que les bibliothèques sont des facteurs et des lieux de multiplication et qu'on pourra effectivement toucher davantage de public. Mais le problème est là. Enfin, les livres sont là, mais on n'a pas le public. Thank you. un petit mot d'explication sur le sujet que nous abordons aujourd'hui, puisque jusqu'à présent dans la semaine, il était question de Fritz Bauer. Eh bien, dites-vous bien, cher auditeur, que nous allons y revenir à Fritz Bauer, mais il nous faut auparavant prendre un chemin de traverse qui passe notamment par les métiers divers que pratique Nicole Barry, et je vais m'appuyer sur une de ses citations vis-à-vis de son métier, d'un de ses métiers. Elle dit, dans la collection, sous-entendu la collection qu'elle dirige, « J'ai deux exigences. D'abord, je ne publie que des livres qui m'ont convaincu, mais je ne peux pas publier tous les livres qui me passionnent. Ensuite, j'essaie de construire une certaine image, il en existe beaucoup d'autres, du paysage germanophone. » Alors, ici, à Histoire Vivante, vous avez de la place pour parler. Évidemment, vous devinez que le temps est malgré tout compté. Alors, avec cet entre-deux, comment arriver à dresser un peu ce que c'est que ce ou ces paysages-là ? La littérature allemande contemporaine fait une grande part à l'histoire contemporaine et à la société contemporaine. Le roman allemand a toujours été beaucoup plus, le roman allemand contemporain a toujours été beaucoup plus inséré dans la réalité sociopolitique et historique que le roman français contemporain. Vous penserez certainement, avec ce que je vous ai dit précédemment, que l'histoire contemporaine est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et j'aime trouver dans les livres qui s'écrivent et qui se publient en Allemagne, les facettes qui permettent de construire l'ensemble des regards que la société allemande contemporaine ou que la société allemande, autrichienne, suisse-alémanique porte sur l'histoire contemporaine et leurs différentes sociétés. Et c'est ça que j'ai essayé de construire dans cette collection. Il se trouve qu'il y a en Allemagne, mais aussi en Autriche et en Suisse, quelques écrivains, de plus en plus je crois, qui viennent d'ailleurs en Europe ou qui viennent d'ailleurs à l'extérieur de l'Europe, qui sont installés dans ces trois pays et qui sont passés à la langue allemande. Ce sont des écrivains qui sont tout à fait importants pour moi parce que d'abord le bilinguisme et le biculturalisme est un facteur très excitant pour l'esprit et pour l'écriture. Et on trouve chez ces écrivains, du point de vue de la thématique et du point de vue de l'esthétique, des souffles nouveaux qu'on ne trouve pas chez les écrivains allemands qui baignent dans la culture, l'histoire et la société allemande depuis 1950, enfin, pour prendre un large champ. Même ceux qui sont nés dans les années 80 ou dans les années 90 et qui n'ont pas une autre influence dans leur parcours qui leur vient d'ailleurs et qui leur force sans arrêt à confronter d'abord la réalité à deux langues. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un espace qui se crée, parce qu'il n'y a pas d'identité entre le mot et la chose. Et quand on a deux langues dans sa tête, on est sans arrêt obligé de rétablir... Enfin, on n'a pas de langage préexistant. Vous allez me dire que tous les écrivains créent leur langue, ce qui est vrai. Mais cette création, quand on est entre deux langues, elle emprunte sans arrêt à l'une et à l'autre. Et donc, on a des écritures en allemand qui sont quelquefois chargées de métaphores, d'images ou d'allusions qui viennent d'ailleurs, qui ouvrent des espaces qui n'existaient pas forcément dans la langue et dans la culture. Nicole Barry, quand vous dites deux langues dans sa tête, a-t-on plusieurs langues dans son corps ? Ah, je crois que oui, parce que, pour prendre ma propre expérience, je sais que je ne me tiens pas pareil et que je n'ai pas tout à fait le même registre de voix quand je parle en français et en allemand. Comment vous les détailleriez ? Ah, ça c'est difficile, ouais. Parce que je le sais parce qu'on me l'a fait remarquer, mais moi je ne m'écoute pas vraiment, donc, mais on me l'a fait remarquer. Et vous parlez plutôt plus aiguë en français? J'ai une voix plus grave en français. Ah oui. Et j'ai une voix un peu plus, pas une voix de tête, mais enfin... Plus haute. Plus haute en allemand, oui. Un petit mot en allemand pour prouver ce propos? Mais tu vois, je crois que l'exemple n'est pas concluant, là. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Jede revolutionäre Bewegung befreit auch die Sprache. Was bisher so schwer auszusprechen war, geht uns auf einmal frei von den Lippen. Wir staunen, was wir offenbar schon lange gedacht haben und was wir uns jetzt laut zurufen. Demokratie, jetzt oder nie. Und wir meinen Volksherrschaft. Und wir erinnern uns der steckengebliebenen oder blutig niedergeschlagenen Ansätze in unserer Geschichte und wollen die Chance, die in dieser Krise steckt, da sie alle unsere produktiven Kräfte weckt, nicht wieder verschlafen. Nicole Barry, alors est-ce que vous aimez jouer? Oui. Je vous lance un petit quiz. Vous avez écrit à propos d'une auteure allemande qui vivait en Allemagne de l'Est ceci. Je dis vivait parce que l'Allemagne de l'Est, évidemment, n'est plus tout à fait ce qu'elle est. Dès son premier roman, qui fut un véritable best-seller socialiste, apparaissent un certain nombre de fils rouges qui vont tisser son œuvre, la volonté d'aller au bout des conflits, le dilemme partir ou rester, la rébellion du corps contre les décisions de l'esprit. J'écris ça à propos de Christa Wolf. Ouais. Bravo. Vous pouvez nous la présenter ? C'est difficile de présenter Christa Wolf parce que je pense que c'est l'un des grands écrivains de langue allemande du XXe siècle. C'est quelqu'un qui semble avoir un parcours simple mais qui en réalité a un parcours extrêmement complexe parce que elle a grandi sous une dictature, le nazisme, et ensuite dans une prise de conscience qui était celle de beaucoup d'adolescents ou de jeunes adultes de sa génération, elle a dit une phrase qu'on a beaucoup entendue, « plus jamais ça » et « plus jamais la dictature ». Et pour ce « plus jamais ça » et pour éviter et pour ne pas tomber dans une Allemagne qui, aux yeux de beaucoup plus qu'on ne veut bien le penser maintenant, semblait l'Allemagne qui avait accepté l'héritage des nazis, c'est-à-dire l'Allemagne de l'Ouest. Pour éviter ça, elle est tombée, je dirais, dans le piège d'un gouvernement autoritaire. Et très vite, quand on lit ce journal, enfin qui n'est pas vraiment un journal, mais un jour dans l'année, on s'aperçoit que très très vite, elle et son mari se posent la question de savoir ce qu'il faut faire, étant donné qu'ils sont dans un état qui correspond absolument pas aux idéaux qu'ils avaient. C'est absolument pas ce qu'ils voulaient. Et est-ce qu'il faut partir ou est-ce qu'il faut rester? Et à quoi sert la littérature dans un pays comme le leur, où il y a une censure, où les libertés sont restreintes? Restreinte est certainement un euphémisme. Et elle décide de rester parce qu'elle pense que la parole littéraire peut être comprise et entendue, et qu'on n'a pas besoin d'avoir une écriture cryptée, et qu'on peut très très bien s'adresser à un public. Bon. Moyennant quoi, à partir du troisième roman, il y a une grande polémique. Et la RDA emploie une méthode qui est très perverse, c'est-à-dire que le livre n'est pas interdit, mais il n'est pas disponible. Donc on ne le trouve pas, donc il n'y a pas de lecteur. Et c'est une recette que la RDA utilisera souvent, pas seulement à propos d'elle. Mais Christa Wolf tourne à la fois son stéthoscope vers cette société-là, autant qu'elle le tourne vers elle-même. Oui. François Céline, que vous avez rappelé dans l'article que vous lui avez consacré, j'ai été un membre enthousiaste, écrit-elle, des jeunesses hitlériennes. Je me suis souvent demandé ce qui m'avait tant attiré, comment j'avais pu être autant séduite. C'est qu'il n'y avait rien d'autre qui aurait pu me retenir, il n'y avait pas le moindre élément susceptible de constituer un antidote à cette idéologie qui me convainquait au plus haut point. Oui, elle a écrit un livre que je trouve remarquable, dont le titre français est « Trame d'enfance », Kindheitsmuster. Ce livre, qui est construit dans différentes temporalités, est l'illustration de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire c'est le livre où elle se demande comment elle peut être devenue ce qu'elle est étant donné le parcours qu'elle a eu. Et ce livre est une revisitation au sens propre, géographique, parce qu'elle retourne dans le lieu de son enfance, et au sens intellectuel, même émotionnel aussi, de cette enfance, de cette formation qu'elle a eue dans son enfance, de ce qui s'est passé après, comment la transition s'est faite, et comment ses idéaux ont été trahis, ou comment elle s'est elle-même laissée trahir. C'est un livre qui va très très loin, parce que c'est effectivement une mise en cause, je ne peux pas dire de son credo, mais d'énormément de choses auxquelles elle a cru, et qui se révèle non seulement être insatisfaisante, mais ne pas être fondée. Elle est donc intransigeante avec sa propre crédulité. Elle est intransigeante avec elle-même. Elle est intransigeante avec sa propre crédulité, tout en reconnaissant qu'elle était, oui, sincère, quand elle disait qu'elle ne voulait pas d'une autre Allemagne. Elle n'aurait pas voulu, pour être plus clair, elle n'aurait pas voulu l'Allemagne d'Adenauer. Bon. On a su, ou on a dit, ou on a voulu dire tardivement seulement, d'ailleurs dans les années 60, au moment du procès qu'instruit Fritz Bauer, que le gouvernement qu'avait organisé Adenauer était quand même un gouvernement dans lequel il a réemployé des nazis qui avaient eu des rôles importants, pas seulement des petits fonctionnaires, et à l'époque ça n'a gêné personne. Personne ne l'a fait remarquer. Tout le monde a bien voulu le croire, y compris De Gaulle. Dès son arrivée à Francfort, Fritz Bauer lance des poursuites contre Josef Mengele, le médecin d'Auschwitz, Martin Bormann, le bras droit d'Hitler, ou Adolf Eichmann, le responsable logistique de l'extermination des Juifs. Il engage des centaines de procédures et émet des mandats d'arrêt contre de nombreux criminels nazis, petits ou grands. Mais, du fait de collaborateurs déloyaux, les criminels nazis sont souvent prévenus. Et quand l'équipe de Fritz Bauer arrive pour les arrêter, ils ont pris la fuite. Le 20 décembre 1963, après 5 années d'instruction, Fritz Bauer et son équipe de procureurs atteignent enfin leur objectif. Confronter le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz à la justice allemande. 22 anciens membres du personnel du camp vont être jugés. Le procès durera presque 2 ans. Die Sitzung und Verhandlung vor dem Schwurgericht am Landgericht in Frankfurt am Main ist eröffnet. Wenn man sich vorstellt, il faut comprendre que quand les spectateurs entraient dans cette salle, ils voyaient des hommes qui étaient tous habillés pareil, qui avaient les mêmes coupes de cheveux, les mêmes lunettes, plus ou moins le même âge. Quand on avait entendu parler de ce procès qu'au travers des journaux et qu'on s'attendait peut-être à tomber sur des monstres avec des balafres sur le visage, alors on était très surpris de constater que c'était des gens tout à fait ordinaires. Et c'est justement cette ambiguïté qui est au cœur de ce qui est apparu clairement lors du procès. Dans la société allemande, il y avait beaucoup d'employés de banque tout à fait ordinaires, de commerçants, de fonctionnaires de la poste, mais tous avaient une histoire. Il suffisait d'y regarder d'un peu plus près pour la découvrir. C'est ce qui est apparu lors de ce procès, et ça a été un choc pour de nombreux observateurs, notamment pour les plus jeunes, qui tout à coup se sont demandé, lorsqu'ils voyaient un fonctionnaire, même sans balafre, même avec une apparence tout à fait normale, ce qu'il avait bien pu faire. C'est ça la très grande force de ce procès. Et c'est pour cette raison qu'il a eu un tel impact sur la société allemande. On fera demain peut-être, vous aurez le temps d'y réfléchir, Nicole Baris, cette passerelle que je me suis imaginée plausible entre Christa Wolf et Fritz Bauer. Vous me direz si le lien est admissible. Un dernier mot sur Christa Wolf, en reprenant une de vos lignes, la façon dont les modes de pensée du fascisme ordinaire s'installent dans une société qui donne à voir comment l'impensable est devenu pensable, comment l'inimaginable est devenue réalité. Ces mots, à mesure qu'on avance dans le temps, ces temps-ci, où ces spectres des années 30 semblent parfois revenir au goût du jour, semble d'une modernité assez frappante. La façon dont quelque chose s'installe comme une normalité, par infusion, dirait-on, au goutte à goutte, quasiment invisible, de manière très homéopathique. Quel mot a-t-elle pu sculpter, construire pour justement les décrypter et peut-être nous aider, nous autres qui venons après ? Oui, elle les décrypte quand elle revient justement sur l'analyse de cette enfance, puisque c'est son enfance et son adolescence. Et il faut dire qu'elle vient d'une famille qui n'est pas nazie, ses parents sont pas au parti, ce sont des petits commerçants, mais elle est séduite par ce qu'elle entend à l'école. Et elle est séduite après au point qu'elle rentre, comme beaucoup d'enfants, dans les jeunesses hitlériennes, mais elle fait une petite carrière dans les jeunesses hitlériennes. Elle devient cheftaine et elle fait respecter cet ordre nouveau, sans faire de jeu de mots malencontreux. Et dans Trame d'enfance, elle revient sur l'analyse de la façon dont elle a absorbé tout ce qu'on lui disait, même si chez elle, en reprenant des faits qui se sont passés autour d'elle, enfin, de ce que sa mère disait, etc., elle s'aperçoit que c'était autant de garde-fous, mais qu'elle n'a pas entendu, qu'elle n'a pas voulu, qu'elle n'a pas pu entendre. Donc c'est à ce niveau-là qu'elle analyse tous ces mécanismes qu'elle a absorbés sans esprit critique. Et quand elle fait ce voyage à Landsberg, elle est accompagnée, la narratrice est accompagnée de sa fille. Et la fille a l'âge que la narratrice avait à la fin de, en 1945. Elle s'aperçoit que malgré toutes les mises en garde qu'il y a aussi dans la famille Wolf, dans la famille de la narratrice, sa fille est aussi sensible aux sirènes de la RDA. Donc, ces mécanismes du fascisme ordinaire ou ces mécanismes d'une dictature ordinaire ou ces mécanismes d'un gouvernement, quel qu'il soit, avec son idéologie qui est déversée par la radio, la télévision, etc., imprègnent les cerveaux qui sont les plus accessibles, enfin les moins critiques, je dirais. Et chez les enfants et les jeunes, les adolescents, c'est certainement un danger qui est réel. Bien que notre jeunesse semble critique. Mais d'un mot, et pour conclure, en son temps, ce n'était pas seulement les jeunes gens les plus atteignables qui mordaient à l'hameçon, si j'ose dire, puisque certains philosophes, et non des moindres, s'y sont jetés. C'est sûr, ça serait l'objet d'une autre analyse. Il faudrait savoir quels étaient les intérêts du philosophe en question. Ne serait-ce que prendre la place de son patron, qui était le célèbre philosophe Husserl. Et pour les autres aussi. Ça sera donc une autre émission. De toute façon, déjà, Nicole Barry, on va se retrouver demain pour revenir à notre héros de la semaine, si j'ose dire, Fritz Bauer. En attendant, merci de cette première visite au micro d'Histoire Vivante. Proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Assistana de production, Corinne Rochat, Valérie Danton, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.